Et donc, comme promis, parlons BD, puisque nous faisons une spéciale bande dessinée, bien malgré nous, avec comme première petite bande dessinée, celle dont je vous parlais tout à l'heure dans le sommaire, Fennec, de Lewis Trondheim et Johan, dans cette excellente collection qui est Shampoing. Alors, on vous refait un petit topo sur cette collection, même si on vous en parle assez régulièrement. Shampoing, c'est cette collection dirigée par Lewis Trondheim chez Delcourt, dans laquelle une bonne vingtaine de titres sont sortis. Et c'est une collection pour le moins originale au sein du paysage éditorial BD franco-belge, en ce sens que elle essaye de concilier le meilleur des deux mondes de la bande dessinée, c'est-à-dire à la fois faire une bande dessinée d'auteur artistique, donc qui n'a pas pour principal objectif de vendre du papier, donc clairement des visions d'auteurs, scénaristes et dessinateurs affirmés, mais en restant accessible et en ne reniant pas l'ancrage populaire de la bande dessinée, tout simplement. C'est, pour rappel, une collection que Trondheim a créée après être parti de l'association, dont il était un des piliers. Et d'ailleurs, avec lui, quelques autres auteurs sont partis. Et donc, c'est une collection qui se veut une espèce de... pas de refuge, mais de grand melting pot, de grande auberge espagnole, où il n'y a pas vraiment de thématique. C'est pas une collection orientée SF ou orientée... sur un format. Oui, c'est ça, pas avec un genre bien particulier. Pas avec un genre, et surtout grande originalité. Et je pense que c'est une des rares collections chez un gros éditeur français à adopter ce principe, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de format. Les BD, ça peut être des 46 planches couleurs, ça peut être 260 planches noir et blanc, ça peut être du cartonné, du broché, ça peut être des récits plutôt pour enfants, des trucs plutôt trash, des carnets de bord comme ceux de Johan Sfar, donc qui lui aussi a quitté l'association pour publier ses carnets chez Shampoing, ou par exemple sont annoncés les planches que Frantico alias Trondheim a réalisées sur Nico Shark, donc parodie délicieuse et bien graissante de Nicolas Sarkozy, vient de sortir les chroniques birmanes, donc nouvelle chronique de Guy Delisle, à qui on devait déjà Shenzhen, et puis surtout on le connaît pour ses chroniques faites en Corée du Nord. C'est Pyongyang ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais chercher pour avoir l'air malin. Et donc, collection ô combien intéressante. On pourrait citer énormément de titres. Il y a vraiment de quoi faire. Trondheim a publié dedans. Pas mal aussi de publications de récits ou de journaux qui étaient publiés sur Internet, donc de blogs, comme le journal de remplaçant de Martin Wittberg, dont tu avais parlé, je pense, Xavier, oui. Ou Libre comme un poney sauvage de Lisa Mendel. Donc il y a vraiment une richesse thématique assez incroyable. Virginie, elle nous avait parlé de... Ça s'appelle bien Pyongyang. Voilà, Pyongyang. Voilà. Virginie, elle nous avait parlé dernièrement, je pense que c'était la dernière fois qu'on avait parlé de Shampoing, de Fido face à son destin, qui étaient les aventures d'un petit chien qui n'arrêtait pas de se prendre des réverbères dans la tronche. Ça, c'est trop dur. Voilà, trop dur. Et à la fois, donc, une thématique très enfantine, mais un procédé qui relevait pratiquement d'un bande dessinée expérimentale, puisque c'était basé sur la répétition des mêmes dessins, avec un dessin très minimaliste, un chien, un trottoir, un réverbère. C'était plutôt réussi. Donc, une collection dont on n'arrête pas ici à Pop Culture de dire et de penser le plus grand bien, et cette réputation et cette qualité se confirme avec cette nouvelle sortie de Johan et Trondheim. Johan ici qui dessine et colorise, et Trondheim qui est au scénario. Alors Johan, on le connaît essentiellement pour le dessin de Toto l'ornithorynque, écrit par Éric Aumont, ça, chez Delcourt Jeunesse. C'est un de nos livres de chevet. Voilà, avec une virtuosité graphique assez hallucinante. Donc BD animalière évidemment, mais vraiment splendide. Et puis, il a dessiné plein d'autres choses, notamment Les Géants Pétrifiés, une aventure de Spirou et Fantasio dans la série des One-Shot, oui, scénarisée par Velman. Voilà, ça aussi, on en avait parlé. Ouais. Et on lui doit également Donjon Monster, c'était le volume 6, qui était vraiment très très chouette aussi. Comme dirait mon bon ami Bruno, un type qui dessine Donjon Monster voilà, ne peut pas être fondamentalement mauvais. Exactement. D'ailleurs, on en attend un nouveau de Donjon, Zénith. clairement, ne serait-ce que par le biais de cette collaboration sur le Donjon Monster, Johan et Trondheim se connaissent et leur travail en duo n'est pas une nouveauté pour eux, donc j'imagine qu'ils étaient parfaitement à l'aise pour créer cette BD. Alors, de quoi ça parle, Fennec ? Eh bien, c'est tout simplement les aventures sur un mode de fable, genre fable de La Fontaine d'un Fennec. Je vous lis le petit résumé. C'est plus simple, hein, finalement. Oui. Pourquoi s'embêter ? C'est vrai. Hein ? Harcelé par une bande de serpents, Fennec n'a qu'une idée en tête, les faire disparaître. Pour les éliminer, il doit trouver le collier du chaman qui apporte la pluie et les tuera. Au cours de ce périple, il fera des rencontres plus étonnantes les unes que les autres. On pourrait croire un récit d'initiation, mais Fennec n'apprendra rien lors de son voyage, sinon que les autres sont encore plus bêtes et méchants que lui. Et c'est finalement cette conclusion, elle est tout à fait juste pour une fois que les attachés de presse et gens, autres gens de marketing et de communication ont compris le sens de la BD. Ça vraiment, ça adopte la forme d'une fable animalière telle qu'on la connaît, avec effectivement un petit animal un peu égoïste, un peu écervelé et franchement cruel, qui se met en tête de trouver le collier du chaman pour se débarrasser de ses ennemis jurés que sont les serpents. Mmh. Et il va donc faire des rencontres, que ce soit des rapaces, des lions, des perroquets, et puis des grosses bébêtes genre fourmilier ou hyènes, et puis un singe aussi. Donc vraiment tout le bestiaire de la savane. Et la grande caractéristique, comme le résumé l'annonce, c'est que effectivement ça s'apparente dans son schéma à un récit d'initiation, sauf que Fennec, lui, au bout du compte, il n'apprendra rien, il n'évoluera pas beaucoup, et loin d'être un défaut à ce récit, c'est assez jubilatoire. C'est d'une certaine manière une espèce de déconstruction, voire même de parodie, de tous ces récits animaliers dont on abreuve nos jeunes en film d'animation notamment, hein, où on voit deux potes dans la savane en train de se marrer et de faire les 400 coups. Mais j'en parlais justement à propos de Un jour sur Terre, il y a une semaine ou deux, oui, du fait que la nature, c'est loin d'être le jardin extraordinaire et les cartes postales. Et bien, c'est une dimension qui est parfaitement intégrée dans cette BD. Clairement, les animaux n'arrêtent pas de se courir après pour se bouffer les uns les autres, et on n'hésite pas à jouer des mauvais coups, même si c'est un copain à qui on s'entend bien. Si c'est pour éviter de se faire bouffer par le lion, ça a toujours son petit intérêt. Et ça quoi ? Et donc c'est vraiment un vrai délice. Et en plus, on reconnaît parfaitement la vision du monde et la patte de Louis Trondheim, qui est à côté très très décalé. Les animaux parlent comme des ados, ou avec un langage quand même assez contemporain et assez décontracté. Le décalage est assez savoureux entre justement entre cette imagerie animalière assez classique et du beau dessin, et puis des dialogues qui n'hésitent pas à aller dans le pipi caca et ça, dans l'ironie assez hein. cruelle. Oui, il y a un côté un peu jubilatoire de faire le sale gosse comme ça. Ben oui. C'est ça qui est gai finalement quand on fait de la BD pour enfants, c'est qu'on peut faire un peu l'enfant. Donc oui, ça doit être drôle. Je sais, par rapport au fait que ce soit une BD pour enfants, je suis assez perplexe Oh, je ne dis pas. Ah oui, que... non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je pense, enfin, je m'en veux un peu de t'interrompre, mais je ne pense franchement pas que c'est une. C'est une BD pour enfants, ce Fennec. Mais je trouve que comme ça y fait clairement référence, et de toute façon, pour tous les autres qui feraient de la BD pour enfants, je trouve qu'il y a cette joie dans la BD pour enfants ou dans le style enfantin de pouvoir se lâcher un petit peu. Quoi. C'est vrai que on l'oublie parfois, mais tout ce qui est livre d'illustration ou littérature pour la jeunesse, c'est parfois beaucoup moins moralisateur et consensuel qu'on s'imagine. Il y a des espaces de liberté assez incroyables dans ce domaine de l'édition. Mais je suis assez perplexe parce que finalement, la BD est loin d'être immorale, mais elle est plutôt amorale. Et donc, je ne sais pas ce qu'un enfant pourrait... Je dois vous avouer que j'ignore complètement ce qu'un enfant pourrait penser de ça, parce que c'est vrai, on est confronté à la fin de la BD à cette espèce d'absurdité, ou en tout cas de lucidité face aux égoïsmes des uns et des autres, et à la débrouille aussi, ce qui finalement est peut-être une leçon de vie comme une autre. Donc une BD que certains trouveront justement, alors du coup peut-être un petit peu trop cynique ou un peu froide, un peu cruelle, mais me semble-t-il c'est ce qui fait toute la saveur de cette courte BD qui fait une trentaine de planches, donc vraiment un format plus jeunesse pour le coup, parce que les Delcourt jeunesse sont toujours un peu plus courts que 46 planches, avec un dessin qui est vraiment savoureux. On reconnaît la patte de Johan qui arrive à croquer les animaux et à leur donner des expressions vraiment très très parlantes et très très marrantes, à moitié entre le dessin réaliste et puis un dessin plus caricatural à la Disney par exemple, mais avec un côté un petit peu plus grimaçant, on va dire. Et même s'il me semble, c'est une BD qui n'est pas aussi bien fignolée et aussi travaillée, aussi minutieuse que peut être par exemple Toto l'Ornithorynque, elle est vraiment très très belle à voir. Je pense que c'est des couleurs directes, je pense que c'est de l'aquarelle, quelque chose comme ça. Je vais bien avouer que mes connaissances des techniques... Je l'ai vu, moi je ne l'ai pas lu en entier, donc je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur la couleur et une espèce de... Ouais, une texture d'aquarelle, un peu un modelé dans les couleurs qui est vraiment pas mal. Donc, une très sympathique BD, si vous êtes fan de Trondheim, c'est un sympathique à côté, un amuse-gueule amusant où on retrouve concentré sur 30 planches, dans cette petite fable, tout l'esprit et tout le piquant et le sel des dialogues écrits par Trondheim. Et donc, voilà une... chouette BD de plus dans cette sympathique collection qu'est Shampoing. Absolument, à suivre donc. Et est-ce qu'on ne devrait pas dire anti-collection presque pour Shampoing ? Parce que c'est bizarre. Hein, c'est une collection à l'anglo-saxonne. Moi, je ne suis pas très connaisseur de la BD indépendante anglo-saxonne, enfin, en tout cas, des éditeurs et des collections américaines notamment. Mais je pense que c'est Sfar ou Trondheim qui disait sur un forum internet qu'il n'y a que dans la BD franco-belge que les collections sont formatées. Que par exemple, tout ce qui sort chez Casterman, ces bouquins signés, je crois. C'est le Lombard, ça signé, non ? Non, mais c'est chez Casterman. La collection dirigée par Peters, là où ils sortent tous les trucs asiatiques, les grosses briques en noir et blanc, et puis les trucs américains aussi, avec toujours les romans graphiques blanche, là, oui, voilà. C'est ça, oui, comme écriture. Voilà, écriture. Mais il faut savoir que c'est une collection qui parfois, et ça a été un peu décrié, notamment du côté de l'association, son créateur là. Le créateur de l'association, une des têtes pensantes. Ah, moi je connais pas l'association, c'est toi qui connais tout ça. Désolé. Qui a même écrit un pamphlet assez virulent contre les 46 planches. Ah, j'y sais, Menu. Voilà, Menu, voilà. Il dénonçait le côté formateur de ces collections où des BD américaines ou asiatiques ont été passées à la moulinette et ont été un petit peu dénaturées par le côté il faut que ça tienne dans tel format, telle couverture et tout. Et finalement, c'est une conception beaucoup plus ouverte d'esprit et beaucoup plus respectueuse des auteurs, comme apparemment le font les Américains, ou chez les grands éditeurs indépendants, le fait qu'il y ait des collections ne signifie pas que tous les albums doivent se ressembler. Il n'y a peut-être pas ce côté aussi collectionneur qu'on a ici en France et en Belgique, où on aime bien que toutes les BD soient soit bien aligné. On aime bien que ce soit rangé. Et que ce soit bien rangé. Ah, que oui. Quand on change le dos ou la tranche, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et on gueule parce que ça bousille complètement toute notre collection. Oui, et la bibliothèque est moins belle. Ceci dit, chez Écriture, on peut quand même dire que malgré tout, ils ont peut-être un peu retenu la leçon, puisque maintenant, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de récits qui sont écrits directement pour eux et qui reprennent un petit peu moins quand même d'adaptation et tout ça. Enfin, j'ai eu l'impression ces derniers mois qu'ils avaient plus de choses qui sortaient directement chez eux. Oui, très probablement, mais je crois qu'on en reparlera avec Trois Ombres de Cyril Pedrosa, c'est que la grande leçon de Shampoing, probablement due aussi au fait que Lewis Trondheim a eu carte blanche et que c'est un des poids lourds de la BD et que, par ailleurs, il vend beaucoup. Donc j'imagine que sa crédibilité commerciale auprès de Delcourt lui permet aussi d'avoir de la liberté. Si ses BD se vendaient pas, il n'aurait pas autant de liberté, évidemment. Mais le fait que voilà, il y a une telle diversité et une telle des tels formats si différents au sein de la collection, et ce qui ne nuit pas du tout à l'image de la collection, à son identification. On sait qu'elle existe et on imagine bien qu'elle perdurera. Donc c'est la grande leçon, c'est que pas besoin que tous les albums soient formatés pour qu'on puisse identifier et créer une identité. Absolument.